copains qui sont partis un matin faire la guerre. Où sont-ils tous ces petits gars qui chantaient on en reviendra, faut pas s'en faire. Les tambours et les clairons accompagnent leurs chansons dans l'aube claire. Où sont-ils tous mes copains qui sont partis un matin faire la guerre. Je connaissais des petits gars de Saint-Cloud, je connaissais des gars de la Villette, je connaissais des gars d'un peu partout, pas un de ceux-là n'a fait la mauvaise tête. Il y en avait Ménilmontant, il y en avait des gars de 20 ans, tous ont répondu présent et sont partis en chantant. Où sont-ils tous mes copains sont partis un matin faire la guerre. Où sont-ils tous ces petits gars qui chantaient on en reviendra, faut pas s'en faire. Les tambours et les clairons accompagnent leurs chansons dans l'aube claire. Où sont-ils tous mes copains qui sont partis un matin faire la guerre. Je connaissais un petit gars de Saint-Cloud, ses yeux rieurs m'avaient tourné la tête. Il était beau et me plaisait beaucoup. Quand je l'ai connu, pour moi ce fut ma fête. Comme les gars de Ménilmontant, il a répondu présent. Lui aussi avait 20 ans, il est parti en chantant. Où est-il, mon petit copain, qui est parti un matin faire la guerre? Où est-il, mon beau petit gars, qui chantait on en reviendra, faut pas s'en faire. Les tambours et les clairons accompagnaient sa chanson dans l'aube claire. Où est-il, mon petit copain, qui est parti un matin faire la guerre? Mais je sais bien que les petits gars de Saint-Cloud, je sais qu'un jour les gars de la Villette, je sais qu'un jour les gars d'un peu partout reviendront alors, ce sera jour de fête. Tous les gars de Ménilmontant ramèneront leurs 20 ans, tous ensemble crieront présent et reviendront en chantant. Les voilà, mes petits copains, qui sont partis un matin faire la guerre. Les voilà, tous ces petits gars, qui chantaient on en reviendra, faut pas s'en faire. On entendra les garçons chanter de belles chansons, tout aura clair. Les voilà, mes petits copains, qui sont partis un matin faire la guerre. Les voilà.